كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. طهمونيق ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نيميرو 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Dans le درس précédent, on a étudié ما يتعلق بمبطلات الصوم et les annulatifs du صيام. Et on a cité plusieurs masaïl, ma yata'allaq bi al-akl wa al-shurb. Et le premier annulatif qu'on a cité, annahu yabtul al-siyam bil-akl wa al-shurb wa al-yuma'a. C'est trois choses. La nourriture, boisson et les rapports. Ça annule al-siyam. Et on a cité, ba'd adhalik, des masaïl qui sont liés plus ou moins avec ce chapitre, كابتلاع النخامة وبقية الطعام الذي يكون بين الأسنان، ونسيت كذلك ابتلاع الدم وما يخرج من الفم، ونسيت مسألة الاستنشاق، ونسيت مسألة معجون الأسنان. أي الخلاصة أن الصائم il fait attention à ne pas avaler ces choses volontairement, que ça soit النخامة la mort, que ça soit le sang, que ça soit le dentifrice, que ça soit les résidus du siwak, tout ça, as-sa'im, il évite. Na'am. Amma, les choses naturelles, la salive, etc., fahada, c'est des choses, la shak wa la raib, ça annule pas as-siyam. Hada, khulasat ma taqaddam. Amma, dans ce dars, on essaye de finir al-mubtilat, ou shay min al-mubtilat, isti'mal al-ibar, al-tardiyah. Ça arrive. Et on le cite maintenant parce que c'est lié avec la nourriture. Isti'mal al-ibar li-tardiyah. Et les injections pour se nourrir, entre guillemets. Ça arrive beaucoup aux malades. Ils lui injectent des vitamines ou autres parce qu'il ne peut plus manger. Et ces injections, ça prend la place de la nourriture. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, fi majmou'a. فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره. Première chose qui cite rahmatullah alayh, amma les injections, que ça soit dans les veines ou autres, ça annule pas le siyam. On parle pas l'un des injections les tardiya pour se nourrir. Là, il parle des injections en général. إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام. Sauf si c'est une injection qui remplace la nourriture. Il y a des malades, ils sont à l'hôpital pendant une semaine, ils mangent plus, ils peuvent plus manger. Ils leur mettent des injections pour les nourrir. فهذا لا شك أن cette injection, elle remplace le طعام et ça annule le صيام. لكن on répète أن ce cas en général, il est malade, il fait pas صيام أصلاً. Il fait pas siyam aslan. Toutes ces masses, il consiste par rapport aux injections et autres médicaments. Fait le haqiqa, le malade, il a le droit de ne pas jeûner. Et dans certains cas, il n'a pas le droit de jeûner si ça lui fait du mal. Lakin nahnu min hayth al-ahkam al-shar'iyya. Ça peut arriver, il peut faire siyam, lakin à l'hôpital ou le médecin, il lui recommande une injection de telle chose. Et fait le haqiqa, c'est de la nourriture. S'il veut faire siyam, dans ce cas-là, il saura que son siyam, il n'est pas valide. Pourquoi les annahu, il est dans un cas, c'est comme s'il mangeait. Donc, son siyam, il est annulé. Et fi hadha al-hal, la shay alayh, il mange, il jeûne pas, et il rattrape un jour. قال شيخ ابن عثيمين إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب. Donc, avec ces injections, il peut se passer de manger et boire. Ça prouve que c'est de la nourriture. Cette injection, ça remplace la nourriture. قال الشيخ ابن باز رحمه الله عليه الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها. أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. Donc, c'est ça la خلاصه. قال والله ولي التوفيق. Donc, c'est ça le résumé. Les injections qui remplacent la nourriture, ça annule As-Siyam. Les injections qui remplacent pas la nourriture, ça annule pas As-Siyam. Baqiya haqn ad-dam fi as-sa'im, les injections de sang. Et ça arrive en al-insan s'il a des faiblesses ou il a eu une hémorragie, une perte de sang, les docteurs, les médecins lui recommandent de se faire injecter du sang. Il y en a, il est en manque de sang. Est-ce que ça annule As-Siyam? On répète, si il est affaibli, il ne peut pas faire Siyam. Aslan, il est considéré comme malade, il mange. Il mange et il se fait injecter le sang qu'il a besoin. Amma, s'il peut jeûner et il veut jeûner et il se demande, est-ce que ça annule? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرح بلوغ المرأة كتاب الصيام الذي يحقن به الدم وهو الصائم هل يفطر أم لا. Donc الشيخ ابن عثيمين il pose la question et il va répondre, est-ce que ça annule الصيام أم لا de se faire injecter du sang. قال كنت أرى أنه يفطر وأقول. On a cité cette parole et الشيخ ابن عثيمين il avait un avis, ثم il a changé. À l'époque, avec son premier avis رحمه الله عليه, il disait que ça annule As-Siyam. Il disait, on lit sa parole, بالنص, إذا كان الطعام والشراب مفطرا فإنه يتحول إلى دم فالدم هو لبابة الطعام والشراب فهو يفطر مثلها. Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est un قول قوي, أنه, à l'époque, son premier avis, il disait, أن cette nourriture et cette boisson, إذا كان الطعام والشراب مفطرا أي ça annule, فإنه يتحول إلى الدم. C'est pour ça que celui qui est en manque de sang, il lui recommande de manger telle chose, de boire. Donc c'est lié avec le sang. Donc Cheikh Ibn Uthaymeen il a dit, si tu te fais injecter du sang, c'est comme si tu avais mangé et tu avais bu. Donc ça annule. Ça c'était son premier قول. ثم قال ثم بدلي أنه لا يفطر. Ça montre al-insan, si il a un dalil, ou il s'aperçoit que son premier avis c'était pas fondé sur un dalil, ou il a un autre avis qui est plus fort, il a le droit de changer. Il a le droit de changer. Il doit changer, il doit revenir au haqq. Amma, changer pour faire plaisir aux gens, ou changer parce que il n'arrive pas à supporter les critiques par rapport à son premier avis, ça c'est pas min al-sunnah. Il y en a بعض الضلال الآن, il prétend avoir changé d'avis, que ce soit dans le fiqh ou autre. لماذا? لأنهم ils ont des pressions الآن. Et لأنهم ils n'arrivent pas à supporter le haqq. فلهذا ils font croire et ils citent ce genre d'exemple. أن l'imam Shafi'i il avait le madhhab al-qadim et maintenant il a le madhhab, ou après il a eu le madhhab al-jadid et il a changé plusieurs de ses avis. L'imam Shafi'i, il a changé plusieurs de ses avis, et annahu, il a compris, et il s'est aperçu que son premier qawl, avec son deuxième qawl, il était plus proche du haqq. Enfin, son but, c'était le haqq. Son but, c'était pas satisfaire al-kuffar, ou satisfaire al-juhal, ou al-fussaq. Là. Amma ba'duhum l'an, ils ont reçu des pressions, grâce à ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé, et ils font croire que c'est bien de changer et citent des paroles de imam. Annahum, ils ont changé. Là, si tu changes et tu délaisses le haqq, c'est min az-zayr. Ce que tu reconnais, c'est ma'rouf, ça devient munkar. Et ce qui était munkar, ça devient ma'rouf. Ça, c'est min al-fitan. Na'am, fal-a'imma, ils changent d'avis après une étude. Et c'est fondé sur la sincérité. Nahsibuhum kadhalik. Wallahu hasibuhum. Amma, prendre ce genre de mithal pour démontrer anna, tu peux changer, là, tu peux changer s'il y a un délit. Et pour revenir au haqq, amma, délaisser le haqq et changer par peur ou pour satisfaire un tel, là, c'est pas minat thabat fi shay. Fa yutanabbah li hada. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, li annahu wa in a'ta al-badan quwwa. Na'am. La Cheikh Ibn Uthaymeen, son premier avis, anna, cette injection de sang, ça te donne de la force. C'est comme si c'était de la nourriture ou de la boisson. Le corps, il en a besoin. Ça te donne la force. C'est pour ça que ceux qui ont des faiblesses, si c'est un manque de sang, le docteur, il leur recommande des injections de sang. قال لكن لا يغني عن الطعام. Et c'est ça le قول الصواب والله أعلم. Anna, même si il se fait injecter du sang, ça remplace pas l'akl ou le shurb. Il est obligé de manger et boire. Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, son deuxième avis, il montre que, fil haqiqa, il y a une différence. Donc, si tu réfléchis, si tu médites, tu peux pas comparer les injections de sang avec la boisson et la nourriture. Donc, comparer et retirer le même hukm, annahu sa annule, fihi nadar. Fihi nadar. قال شيخ العثيمين لكن لا يغني عن الطعام والشراب وليس من حقنا أن نلحق فرعا بأصل لا يساوي. شيخ العثيمين لا دي on n'a pas le droit de comparer un far avec un asl. Le far ici c'est les injections de sang. Le asl c'est la nourriture et la boisson. Il a dit on n'a pas le droit de comparer les injections de sang avec la nourriture et la boisson alors que c'est pas pareil. Donc c'est pas le même hukm. كذلك dans une autre fatwa fi hashiyat fi ma adhkur majalis ramadan, lana dans majalis ramadan Cheikh Al-Uthaymeen il montrait que ça annulait les injections de sang. Thomas fi hashiya, les annotations plus tard, il a rectifié et il a démontré que ce qui annule un siyam, il faut un dalil. La base c'est que ton siyam il est sahih, sauf si un dalil, et c'est une règle importante. Maintenant celui qui dit annahu le parfum ça annule le siyam, on lui dit est-ce que t'as un délit. Celui qui dit dentifrice ça annule le siyam, un délit. La base c'est que le siyam est le sahih. Les annulatifs ils sont connus, boire, manger, les rapports et certaines choses qu'on cite. La base c'est que le siyam est le sahih. Donc celui qui prétend que les injections de sang ça annule, il faut qu'il cite un délit. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il a démontré fi hashiyat majalis ramadan annahu la dalil ala hadha. C'est plus un qiyas, une comparaison avec la nourriture et la boisson. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il démontre anna fi al-haqiqa yan farq. Et ta'lamoun anna pour le qiyas, il faut que le asl al-far' ça soit la même chose. Et l'an yan farq, le sang c'est pas la nourriture et la boisson. Fa qala Cheikh Al-Uthaymeen, le deuxième il est tayyib. Tout ça bien sûr al-ihtiyat, c'est de le faire la nuit. Pour sortir de ce khilaf. Tout ça, bien sûr, nous le cite, lakin al-ihtiyat, c'est si tu as besoin et tu peux le faire la nuit, fais-le la nuit après le maghrib. Si ça peut attendre, ton docteur il te dit ça peut attendre après Ramadan, fais-le après Ramadan. Si c'est vraiment urgent et ce manque de sang ça t'affaiblit, tu as besoin de manger, mange et tu rattraperas ton jour. Tu es considéré comme malade. Donc, les injections, à la sahih, ça annule pas al-siyam, injection de sang, lakin, al-ihtiyat, et pour sortir du khilaf, afdal, les faire en dehors du siyam. Aïe, imma le soir, après le maghrib, imma avant Ramadan ou après Ramadan. Et celui qui est malade, il est malade, il est ma'adour. Une autre mas'ala par rapport au sang, al-hijam. حكم الحجامة للصائم. تعلمون أن هذه المسألة هي خلاف واسع بين أهل العلم. وإن بايسيد لغزمي. العلماء اختلفوا في هذه المسألة أي حكم الحجامة للصائم على قولين. لبخومي قول أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. Al-hajim wal-mahjoum. Et celui qui fait le hijama, et on lui fait le hijama, et celui qui l'a fait. Et le hajim. Donc les deux, celui qui l'a fait et celui qui la reçoit. Les deux, ils annulent leur siyam. Et ils doivent rattraper. Ça c'est qawl. A'ata, wal-awza'i, wal-imam Ahmed, wa-ishaq, wa-abi Thawr, ابن خزيمة ابن حبان ابن المنذر كثير من العلماء كذلك ابن تيمية رحمة الله عليه ابن القيم ابن عثيمين et beaucoup d'autres ils ont choisi ce qawl. Ils se sont basés sur le hadith de Shaddad ibn Aws et de Thawban رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. فالحديث il est clair. أن الحاجم أي celui qui va lui faire la hijama, c'est celui qui l'a fait, le médecin entre guillemets. Et المحجوم أي le malade, celui qui reçoit l'hijama. Les deux, ils annulent leur siyam. Al-Hadith, il est fi al-Sahih al-Musnad, l'imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmatullah alayhi. Premier qawl. Le deuxième qawl, anna al-Hijama laysat mufattira. Donc le deuxième qawl, l'Hijama, elle annule pas al-Siyam. Et c'est qawl jumhur ahl al-ilm. Aïe. Les savants qui ont choisi le deuxième qawl, ils sont plus nombreux. C'est la majorité. Min as-sahaba wa at-tabi'in wa man ba'dahum. Ils se sont basés sur hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa sa'im akhrajahu al-Bukhari. Fi sahih al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ila fi al-hijama il était muhrim. Ay pendant le hajj. Et il a fait le hijama, il était sa'im. Le hadith est sahih al-Bukhari, an Ibn Abbas. Qala al-Hafiz fi al-Fath wa al-hadith sahih la miryata fi. Al-hadith il est authentique, il n'y a aucun doute. Ay hadith Ibn Abbas, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hijama, il était sa'im. Qala Ibn Abd al-Barr wa ghayruhu fihi dalil anna hadith aftara al-hajim wal mahjum mansukh. Et c'est ça la réponse. Quand il dit qu'il, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui fait le hijama ou qui la reçoit, il annule son jeûne, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hijama. Et il est sa'im. La réponse qu'a maqala Ibn Abd al-Barr et d'autres, qu'a l'imam Shafi'i, ils ont démontré anna hadith aftar al-hajim wa al-mahjoum, il est mansour. Il est abrogé par le hadith d'Ibn Abbas. Pourquoi ? Il faut bien comprendre dans cette mas'ala, al-nasikh wa al-mansour, il faut connaître al-tarikh. Et il faut connaître c'est lequel des deux hadiths qui est venu après, hatta il a abrogé le premier. L'anna qad yaqul qa'il aftar al-hajim wa al-mahjoum, il a peut-être abrogé anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hijama. Là, لأن حديث ابن عباس كما سيأتي قال ابن عبد البر لأن جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع وسبق إلى ذلك الشافعي. ابن عبد البر يدمونخ أن قول ابن عباس أفطر أو احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو محرم ست في حجة الوداع. حجة الوداع c'est à la fin de la vie du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc c'était après sa parole aftar al-hajim wal-mahjoum, comme il a démontré l'imam al-Shafi'i rahmatullah alayhi. Kadhalik, ils ont une deuxième preuve, hadith Anas, et il le rapporte à l'imam al-Bukhari, قال حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس ابن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجام للصائم. Donc la question elle est claire. Ils ont posé la question à Anas ibn Malik, est-ce que vous détestiez de faire le hijama alors que vous étiez sa'im, en état de jeûne? Qala Anas la, illa min ajl al-dha'f. Et ça c'est important, à la fin on démontrera avec la parole de Cheikh al-Albani, de l'imam al-Shawkani, anna si ça lui provoque des faiblesses, vaut mieux qu'il délaisse. Lianna une perte de sang comme ta'lamoun, al-insan yad'af. ففي هذا الحال يدلس الحجامة أما كلام اللجنة المام فلا. Donc حديث أنس في صحيح البخاري. Donc on dit حديث أنس نعم c'est un أثر لكن أنس y rapporte أنهم la question c'était est-ce que vous détestez هذا أي à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم قال لا. Et il y a des autres أحاديث بعضها فيها ضعف بعضها معلولة لكن نكتفي بهذا حديث ابن عباس حديث أنس. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال ابن حزم إسناده صحيح أي لا سيتي أن أدخل حديث حديث أبي سعيد ثم قال فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. ابن حزم كذلك يدمونخ أن الانتردكسيون على منسوخة. Elle est mansoukha, et elle est abrogée, et c'est permis de faire le hijama en état de as-siyam. Qala al-Sheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, fal-hadith bi-hadihi al-turuq sahih la shakka fih, wa huwa nassun fil-nasq, fa wajab al-akhdu bih, kama sabaqa an ibn Hazm, rahimahullah. Ay, on cite le hadith, hadith Abi Sa'id, radiyallahu anhu, arkhasa al-Nabiyu, sallallahu alayhi wa sallam, fil-hijama lis-sa'im. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé al-hijama pour as-sa'im. Ça abroge la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait démontré que ça annulait as-siyam. Donc ce hadith, hadith Abi Sa'id, Cheikh al-Albani, il le rend authentique. Donc, al-rajih, c'est al-qawl al-thani. Anna al-hijama, elle annule pas as-siyam. Ça annule pas as-siyam. Comme a dit al-Shafi'i. قال رحمه الله فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا. Ça c'est important. لكن malgré que le deuxième قول c'est صحيح, كما قال الإمام الشافعي, si il la délaisse, c'est أحسن. Pour sortir du khilaf. لأن في الحقيقة t'es pas obligé de faire l'hijama pendant Ramadan ou pendant la journée de Ramadan. Tu peux faire avant, tu peux faire après. هذا pour sortir de tout ce khilaf. لأن الخلاف il est قوي. Si tu viens étudier les deux aqwal, al-khilaf il est qawi jiddan fi hadhihi al-mas'ala. كذلك الامام الشافعي démontre كي لا يعرض صومه يعني للضعف يعني للضعف. كذلك ان الحجامه ça va t'affaiblir. Même si ça annule pas le siyam. لكن si tu fais al-hijama le matin, ça va t'affaiblir pour toute la journée. فربما tu peux plus aller au masjid. أو تتعب. Tu finis la journée difficilement. Al-hijama c'est pas obligatoire de la faire. في هذا الحال لا في هذا الحال on évite أحسن. أما celui qui l'a fait et ça l'affaiblit pas, on peut pas dire que ça annule son siyam. لكن si il évite et il l'a fait le soir ou après Ramadan pour sortir du khilaf, إن شاء الله c'est أحسن. قال الإمام الشوكاني et ça c'est un قول طيب رحمه الله فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها. Avec tous ces hadiths et ce khilaf, en fait, on peut ressortir un qawl tayyib qui cite l'imam Shawkani, anna le fait de faire al-hijama, c'est makrouh. Si ça rend la personne, ça affaiblit la personne. Vaut mieux la délaisser. قال وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار. أما si ça l'affaiblit au point où il a besoin de manger après suite à cette hijama, c'est encore plus détestable في هذا الحال. قال ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. أما celui ça ne l'affaiblit pas, on peut pas dire que c'est détestable. لكن l'imam Shawkani conclut على كل حال celui qui délaisse la hijama pendant الصيام c'est أولى أي c'est أحسن c'est أفضل. Et c'est ça la conclusion. Donc خلاصة le résumé الحجامة على الصحيح ça annule pas الصيام. لكن vaut mieux la délaisser, surtout si الصائم il se connaît, il sait que quand il fait le hijama ça l'affaiblit. ففي هذا الحال il la délaisse. كذلك الأفضل la délaisser pour sortir de ce khilaf. Et alhamdulillah l'amr واسع, tu peux la faire avant Ramadan, tu peux la faire après Ramadan, tu peux la faire le soir. نعم. Et le hijama ça se fait pas tous les jours. Là, le hijama ça se fait de temps en temps dans des moments précis, dans des endroits précis. Ahlul Khibra, ils connaissent hada hatta inshallah an-naf' il est akbar, hatta c'est profitable pour ton corps akhil karim. Une autre mas'ala, après avoir cité mas'alat al-hijama, on cite mas'alat al-qay, ay le vomissement, les sa'im. Est-ce que ça annule as-siyam? Il y a un hadith, أما on cite la référence pour الحجامة, c'est un بحث طيب dans مسك الختام شرح عمدة الأحكام للشيخ زائد الوصابي حفظه الله. Il a cité cette مسألة et كذلك toutes les مسائل qu'on va lire. On lit directement dans son livre. لأن c'est complet. القي هي حديث في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فلا قضى عليه ومن استقى فعليه القضاء. حديث il est clair عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال celui qui vomit involontairement il n'a pas rattrapé son siyam, il est sahih. Et celui qui se fait vomir استقى, il se fait vomir, فعليه القضاء, il doit rattraper son jour. قال وهذا الحديث أعله البخاري والترمذي والدارمي وأبو داود وأحمد. لكن ce hadith certains imams des حفاظ كالبخاري والإمام أحمد وأبو داود

Tu peux comprendre le haqiqa, comme ils ont compris certains savants, mais ce n'est pas clair. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mangé parce qu'il a annulé son jeûne avec le vomissement. قال وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك وحكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن المعنى قاء فضعف فأفطر. L'imam Tirmidhi rapporte, certains savants ils ont expliqué أنه il a vomi, donc vu que le vomissement ça provoque des faiblesses après, خاصةً للصائم, il y en a tout ce qu'il a mangé il le rejette, donc il ressent la faim, il ressent de la faiblesse, donc le Nabi صلى الله عليه وسلم il a mangé par rapport à cela, pas par rapport à أنه son jeûne il a été annulé par rapport à الصيام. هذا c'est un qawl tayyib. Donc ça c'est le qawl awwal. Fa fil haqiqa ils ont un hadith. Il est ma'loul. Et il y a certains savants ils l'ont dha'af qu'à l'imam Bukhari, l'imam Ahmed. Et ils ont un deuxième hadith, il n'est pas clair fil mas'ala. Deuxième qawl. Alayhi al-qadha wal-kaffara. Et ça c'est un qawl, il est pas sahih. Annahu il doit rattraper et al-kaffara kadhalik. Ce qawl il est pas sahih. Al-qawl al-thalith la yuftir. Le troisième qawl, annahu ça annule pas as-siyam. Walaw si il s'est fait vomir volontairement. Qala rawa dhalik aw ruya dhalik an ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Abi Hurayra radiyallahu anhum wa huwa qawl Ikrima wa Rabi'a wa riwaya an Malik wa huwa alladhi yajnah ilayhi al-Bukhari. Donc plusieurs savants, plusieurs imams, ils ont choisi ce qawl. Bien sûr, il y a une précision هنا. قال بعضهم إلا إذا رجع منه شيء إلى الجو فإنه يفطر بذلك. Sauf s'il vomit et il y a quelque chose qui pénètre dans sa gorge, dans son estomac. C'est comme s'il avait mangé. ففي هذا الحال son jeûne il est annulé. لكن s'il vomit il y a rien qui repénètre. ففي هذا الحال عند هؤلاء الأئمة ça annule pas الصيام. Et il se base sur plusieurs choses. Il se base sur أولا أن à la base, c'est que le siyam est le sahih. Donc, celui qui prétend annahu ça annule, il faut un délil. Et on a vu que le premier délil, il est fihi dha'f, et le deuxième, il n'est pas wadih fil mas'ala. قال وذكر الحافظ أنه جاء عن ابن مسعود وأثر أبي هريرة أخرجه البخاري فقال وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يليج ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. نعم البخاري رحمه الله il a rapporté هذا عن أبي هريرة أنه il a deux قول et pour lui le plus authentique c'est le قول أنه ça annule pas الصيام. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui sort du corps et ce qui annule الصيام في الحقيقة c'est ce que tu prends. Il m'a eau, il m'a boisson, il m'a médicament. Al-muhim, annahu, ça annule les choses qui rentrent. Un vomissement, c'est quelque chose que tu rejettes. Et ça, c'est un qawl tayyib. Al-rajih, wallahu alam, c'est al-qawl al-thalit. Lianna, il n'y a pas de dalil, annahu, ça annule al-siyam. Al-aslu, c'est al-bara'atu, wallahu alam. Et ça, c'est une règle importante pour siyam. Al-asl, la base, c'est que le siyam, il est sahih, du muslim. Tant qu'on n'a pas une preuve que son siyam il est annulé. Et vous avez remarqué que le khilaf il est qawi. Et par rapport au Nasir et Mansour, par rapport au hadith Abi Darda, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vomi fa aftara. Kadhalik, le khilaf il est kabir dans le ta'lil du hadith man dara'ahu al-qay fa la qada alayhi wa man istaqa fa alayhi al-qada fa akthar. Ils ont choisi que ça annule en se basant sur ce hadith. L'afdal, c'est que l'insan ne se fait pas vomir volontairement fi nahar siyam. S'il vomit involontairement, fala khilafi hada, son siyam il est sahih. Amma se faire vomir volontairement, ça va l'affaiblir. Et masala fi khilaf kabir. L'insan, il évite. Et s'il est malade, il sent qu'il est malade, et il a besoin de se faire vomir, il a besoin de manger. فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قاء أي لا فومي أفطر أي لا مانجي فالإنسان لا يكلف نفسه الصيام سي عبادة عظيمة et الله سبحانه وتعالى il nous a facilité. Celui qui est malade ou qui est en safar il a un عذر فإي mange et il rattrape إن شاء الله il est على خير. أما التشدد الغلو et se faire du mal هذا c'est pas طيب. هذا ما يتعلق بالقيء. On cite des autres masaïl avant de passer au un autre mubtil, et inshallah on le fera dans le prochain dars, al-jima'. Tout ce qu'on a vu, un c'est par rapport à la nourriture et la boisson, et des choses qui sont liées. Et le prochain dars, inshallah, on finira le mubtilat avec ma yata'allaq bi al-jima', les rapports, et on prendra al-mat, on lira hadith l'homme qui a eu des rapports avec sa femme, et tout ce qui est rapport avec le kafara et le qada. Fanakmil, sahb al-dam min al-sa'im. Ces rapports, c'est lié avec le hijama fil haqiqa. Aïe, les dons de sang. On te retire du sang. Est-ce que ça annule? C'est comme le hijama. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, idha kana ad-dam kathiran, yu'athir alayhi kama tu'athir alayhi le hijama. Ça, c'est le qawl de ceux qui disent que le hijama, ça annule. Et parmi eux, Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala fa innahu yuftir. Donc, les savants qui ont dit que le hijama, ça annule, ils vont dire que si tu fais don de ton sang, ça annule. Les savants qui disent que le hijama, ça annule pas, enfin, ils vont dire que ça annule pas si tu fais don de ton sang. Lakin, une précision, هنا, قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله, وأما الدم اليسير كالدم الذي يؤخذ للفحص أو الذي يكون بقلع ضرس أو سن إلى آخره, قال فإنه لا يؤثر قولا واحدا. أما si c'est un peu de sang, maintenant tu t'es égratigné, il y a un tout petit peu de sang qui sort, ou une prise de sang, ils prennent à peine pour des analyses, ou tu perds un peu de sang de ta gencive et tu l'avales pas, ça ne fait aucun mal. قال شيخ العثيمين قولا واحدا, il n'y a pas de khilaf. وما علمنا أن أحدا قال بتأثيره لكن الدم الخارج من الضرس أو السن لا يبتلع. نعم, donc si ça sort de la bouche, la gencive ou des dents ou de la langue, ou des lèvres, on n'a pas le droit de l'avaler. وَهَذَا تَقَدَّمْ حُكْمْ وَالْبُخُورْ لِلصَّائِمْ. Tout ce qui est parfum. Donc, هَذَا, ça annule pas. Il n'y a aucun délire. Bel, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se parfumait, il utilisait le siwak, il se nettoyait, il avait de l'inaya avec al-tahara ou al-nadafa. Allah subhanahu wa ta'ala, jamil, yuhibbu al-jamal, que ce soit fait Ramadan ou غير Ramadan. Sauf, il y a une mas'ala, c'est l'encens. C'est fumé, que c'est du parfum, lakin, que tu sens, que tu aspires. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرحه على بلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام لأن il a cité البخور أي البخور la fumée, les encens. قال لأن الاستنشاق يصعد الدخان إلى الجوف ولا بد أن نقول بهذا لأننا لو لم نقول بهذا كانت مشكلة يأتي شارب الدخان ويقول إن شرب الدخان لا يفطر إن شرب الدخان لا يفطر ثم ذكر قصة عرضت على الطبيب. أما نعم aspirer la fumée هذه qui sort des encens, فهذا il faut éviter. Là il y a des particules ربما elles pénètrent. Et c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen il démontre que fumer la cigarette c'est interdit. Le Nabi nous a interdit de se faire du mal, et c'est prouvé, al-an, scientifiquement, par les médecins, c'est prouvé que ça fait du mal, ça provoque des cancers, etc. C'est haram de fumer, et fumer pendant la journée de Ramadan, ça annule le siyam. Ça, il n'y a aucun doute. Kadhalik, aspirer la fumée des encens, même si c'est du parfum. Il faut éviter les madal et anna, il y a des particules qui pénètrent. Donc, ça nous montre que aspirer hada fi Ramadan, ça pénètre. Donc, il faut éviter. Amma les parfums qu'on utilise, voilà, inshallah, ça fait aucun mal au siyam. Dawa al-rabou, et ça c'est important. Et la ventoline, pour ceux qui sont atteints d'asthme, est-ce que ça annule au siyam? Qala Sheikh al-Bassam, rahimahullah, amma dawa al-rabou alladhi yastanshiquhu al-marid fayassil ila al-ri'atayn an tariq al-qasbah الهوائية لا إلى المعدة وليس أكلا ولا شربا ولا شبيها بهما وإنما هو شبيه بما يقطر في الإحليل. نعم, c'est un remède, c'est un médicament, et c'est pas de la nourriture. فهذا والله أعلم, ça annule pas الصيام. قال وقالت اللجنة الدائمة بعد كلام لهم طويل وذكر الخلاف والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقا, أي لاسبير. Marouf, hada, ceux qui sont atteints d'asthme, ils aspirent c'est comme un gaz, et inshallah ça annule pas as-siyam. Khassatan, ils ont un udr, ils sont malades et ils doivent ils peuvent pas s'en passer tous les jours, ils doivent l'utiliser. donc leur dire de le rattraper, ils l'utilisent toujours. Donc as-sawab kama qalat al-lajna ad-da'imah, c'est que c'est permis et ça ne le passe rien. Et fait le haqiqa, c'est pas de la nourriture, c'est pas de la boisson. Donc inshallah le qawl sahih c'est hada. قال شيخ العثيمين الى cité cette maladie ay ikhtinaq an-nafs, ce qu'on appelle nous l'asthme, il a du mal à respirer. Et Cheikh Ibn Taymiyyah l'a démontré, il y a deux méthodes pour se soigner, deux médicaments. Il y a des capsules. قال فهذه تفطر. نعم, لأنه il va avaler une chose, que ce soit avec de l'eau ou autre. Et il cite le deuxième cas, c'est غازٌ ليس فيه إلا هواء. نعم, c'est les bombes qu'ils achètent. قال هذا قال فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم وللصائم يستعمله وصومه صحيح انتهى. نعم, فسيساء القول الصحيح قول شيخ ابن عثيمين اللجنة الدائمة الشيخ البسام عليهم رحمة الله. Et on conclut ce dars avec plusieurs médicaments que les gens ils utilisent, que ce soit les gouttes pour les yeux, que ce soit pour les oreilles, que ce soit pour le nez, que ce soit les suppositoires ou autres. Tout ça, inshallah, ça annule pas as-siyam. Naam, il n'y a aucun délit que ça annule as-siyam. Et ce n'est pas des choses que tu manges ou tu bois. Les gouttes dans les yeux ou dans les oreilles. Amma dans le nez, il ne faut pas avaler. Si ça arrive fil halq, il ne faut pas avaler. Kama fi al-istinsha. Kadhalik, tout ce qui est suppositoire, etc. Hada, inshaAllah ta'ala, ça annule pas as-siyam. Cher Zaid, dans Misk al-Khitam, il a un kalam tawil. Et il conclut après avoir cité un kalam tawil. قال الراجح هو أن كل ما تقدم لا يفطر لأن من قال إنها تفطر لا برهان عنده إلا أن يصل إلى حلقه مثل قطرة الأنف. C'est pour ça qu'on a précisé. Amma un médicament, مثلا des gouttes pour le nez, et ça pénètre dans la gorge et il avale. فهذا نعم سميت للاستنشاق بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Ça devient la même مسألة. قال مالك والشافعي الصعود لا يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه والله أعلم. Prochain درس كما قلنا فيما يتعلق بالجماع الكفارات والقضاء. إن شاء الله après on continue notre درس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.